بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الرابع بعد المئة في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. Bienvenue aux chers frères dans ce cours numéro 104 dans l'explication du chapitre de la prière tiré du livre عمدة الأحكام. On est toujours dans le dernier sous-chapitre de ce chapitre, donc le sous-chapitre concernant Salat al-Janaiz, le chapitre concernant la al-Janaiz, donc tout ce qui est lié aux adorations concernant le mort, le lavage du mort, l'enterrement, le mettre dans ce linceul, etc. Shara' al-Mu'allifu rahimahullah fi dhikri umurin taqa'u fil janaiz tukhalifu at-tawhid. Et donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il commence maintenant, comme on va voir aujourd'hui, il commence à citer des hadiths qui stipulent des sujets qui arrivent durant les janaïs, les enterrements. Et ces sujets qui s'opposent au tawhid. Il nous dit, rahimahullah, an Abi Moussa Abdillah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. Et donc le hadith qu'il nous cite l'auteur aujourd'hui, selon Abi Moussa Abdillah ibn Qais al-Ash'ari radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم s'est désavoué de As-Saliqa. As-Saliqa, c'est la femme qui crie, celle qui va pousser un cri qui est dérangeant. C'est ça qu'on appelle en arabe As-Saliqa. Et on peut dire aussi Bissin, As-Saliqa. Et donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celle qui pousse des cris dérangeants. Al-Haliqa, de celle et aussi de celle qui va raser ses cheveux lorsqu'il y a un mal qui la touche, ainsi que celle qui déchire ses vêtements lorsqu'il y a un mal qui la touche. Comme on peut voir parfois, donc des femmes qui sont donc attristées par la mort d'un proche à tel point qu'elles peuvent se déchirer les vêtements, arracher les cheveux, etc. etc. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de tout cela. Wa fi hadha al-hadith قصة عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il y a dans ce hadith une histoire surprenante qui montre le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. فهذا الحديث أخرجه الشيخان. Et donc ce hadith a été cité, a été rapporté par les deux Cheikh al-Bukhari et Muslim. وفيه أن أبا موسى رضي الله عنه وجع وجعا شديدا. Il y a dans ce hadith le fait que Abu Moussa, radiallahu anhu, il a été touché par une douleur, par une forte douleur. Et cette douleur a causé le fait qu'il se soit évanoui. Et donc il s'est évanoui alors que sa tête, elle était au niveau des cuisses d'une des femmes de sa famille. فصاحت امرأة من أهله فما استطاع أن يرد عليها شيئا. Alors il y a une femme de sa famille qui a crié lorsqu'elle a vu cela, Abu Moussa qui s'est évanoui, peut-être qu'il est mort. Elle a crié, elle a poussé un cri et lui, il n'a pas pu lui répondre parce que justement il était en train de s'évanouir. فلما أفاق قال أنا أتبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. Alors lorsqu'il s'est réveillé, il s'est évanoui, ensuite lorsqu'il s'est réveillé, il a dit je me désavoue de ceux dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué. Je me désavoue de celle qui crie et de celle qui se rase les cheveux et de celle qui déchire ses vêtements. Et donc Abu Moussa radiyallahu anhu ankar al-munkar fi hadha al-mawqif. Il a donc rejeté le mal dans cette situation, situation difficile, ma anna hadhihi al-mar'a lam tasih illa li annaha tuhibbuhu ou li annaha ta'atharat mimma asabahu. Cette femme, elle a crié pourquoi? Elle a crié parce qu'elle l'aime ou parce qu'elle a été touchée par justement ce mal qui l'a atteint. Voilà pourquoi elle a crié. Wa ma dhalika bayyana anna hadha la yajuz anna hadha mukhalifun lima kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Abu Moussa, radiallahu anhu, il a montré que cela n'est pas permis et que cela est contraire à ce que cela est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous disent wa subhanallah, هذه الافعال لا تغير شيئا. Et nous disent ces agissements là ne changent rien. المرأة تصيح, la femme elle va crier, est-ce que ça va changer quelque chose? Si l'individu doit mourir et que la femme elle crie, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va le ramener à la vie? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La personne ne fait que donc agir de façon contraire à ce qui lui est demandé. فهذه الأمور التي تبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة وهي من الكبائر. Et donc ces sujets dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en est désavoué sont interdits, mais encore plus ils font partie des grands péchés. فَإِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْإِيمَانِ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ. Certes, ces agissements sont contraires à la fois au destin et au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui a décrété que tel individu est touché par telle épreuve à tel moment. Pourquoi est-ce que tu vas te plaindre de cette épreuve? وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ سَيَبْتَلِينَا. Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى nous a informé qu'il va nous éprouver. Comme dans sa parole, lorsqu'il dit لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Vous serez éprouvés dans vos bien et aussi dans vos propres personnes. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala wa linabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Nous allons vous éprouver par une diminution de la peur. Nous allons vous éprouver par une forme de peur et aussi donc par une diminution de vos biens, de vos personnes, des fruits, et aussi la fin, excusez-moi que je n'ai pas cité, alors annonce la bonne nouvelle aux endurants. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Et donc, on comprend clairement de ce verset, oh chers frères, « Mehoua el-matloub » Qu'est-ce qui est demandé aux croyants? « El-matloub ayyou al-ikhwa min al-mu'minin an yasbiru inda al-bala » Ce qui est demandé aux croyants, c'est de patienter, d'endurer lors de l'épreuve. Wa a'la min dhalik, et encore plus que cela, ar-ridha. Ar-ridha, le fait d'être satisfait. Le fait d'être satisfait parce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé, t'a déterminé. L'être humain se doit de s'efforcer d'accepter ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé comme destin. وجاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Et donc il a été cité dans le Jami' al-Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la grandeur de la récompense dépend de l'importance de l'épreuve. La grandeur de la récompense dépend de l'importance de l'épreuve. Et certes, Allah Ta'ala, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve. Alors celui qui est satisfait aura la satisfaction. Mais celui qui donc se plaint et qui est courroucé, il aura donc la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc il est important, mon cher frère, qu'on accepte le destin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordé. Et cela fait partie du tawhid. Cela fait partie du tawhid. Wa yajuzu lil insan idha usiba bi musibatin an yabki wa yahzan duna ifrat. Et il est permis à l'individu, lorsqu'il est touché par un mal, il lui est permis de pleurer et d'être triste, mais sans exagérer. Car c'est l'exagération qui est contraire à l'acceptation et à l'endurance face à l'épreuve. Akhraj Abu Daoud fi Sunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qol قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. Abu Daoud a cité dans son Sunan, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il m'a été accordé cette nuit un enfant. Un de mes enfants est né cette nuit. Alors je l'ai nommé par le nom de mon père, Ibrahim. Qala Anas, laqad ra'aytuhu yakidu bi nafsihi bayna yaday Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Anas il dit, je l'ai vu, c'est-à-dire cet enfant. Je l'ai vu mourir entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadama'at 'ayna Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala tadma'u al-'ayn wa yahzanu al-qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Et donc Anas radiyallahu anhu qui nous dit: les yeux, donc les larmes ont commencé à couler des yeux du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors dit: certes, les yeux pleurent, les larmes coulent et le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce dont Allah est satisfait. Certes, ô Ibrahim, nous sommes attristés par toi, c'est-à-dire nous sommes attristés par ce qui t'a touché. إذن الحزن والبكاء ليس مخالفين للأمر بالصبر والرضا. Et donc le fait d'être attristé et le fait de pleurer, ces deux éléments ne sont pas contraires à l'ordre de la patience, de l'endurance et de la satisfaction quant au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. وإنما المحظور ما ذكر في حديث أبي موسى رضي الله عنه. Cependant, ce qui est interdit, c'est ce qui a été cité dans le hadith qu'on a vu aujourd'hui, le hadith d'Abu Moussa رضي الله عنه. Et on verra prochainement d'autres interdictions qui sont liées à cela. بإذن الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.